Dakar 98.5. De notre démocratie, l'armée tout au long de l'histoire politique du Sénégal a parfois connu des soubresauts qui l'ont traversé. Des soubresauts parfois même graves ont ponctué les rapports quelquefois heurtés entre la grande muette et le pouvoir politique. Des crises qui habitent encore la mémoire collective. Parmi ces étapes, l'année 1988. En son livre de mémoire, le président Diouf exhume l'événement de 88. Jusqu'ici, la version de l'accusé, nous allons l'entendre sur la question. Alors, le groupe Sud est aujourd'hui en mesure de vous livrer la version des faits du principal accusé, le général Tavarès D'Assouza, à l'époque chef d'état-major des armées. C'est le numéro 3 du grand format que j'ai l'honneur de présenter avec mon confrère Blaye Cam, rédacteur en chef de Sud Quotidien. Mon général, encore une fois, merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci et bonjour. Bonjour. Mon général, jusqu'à cet entretien, on ne vous entendait plus. Dites-nous, qu'est devenu le général Tavarès D'Assouza? Eh bien, j'ai pris ma retraite. Quand j'ai pris ma retraite, comme tout retraité, je ne faisais plus rien. Mais enfin, rappelons-nous quand même que je venais de Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, je suis allé en Allemagne. Oui, c'est bien ça. Et puis après, je m'intéressais vraiment plus à ces problèmes, sauf aux affaires militaires. Je m'intéressais quand même aux hommes que j'avais eu l'occasion de former et à tout ce qui arrivait à l'armée. Ça m'intéressait. Et pas seulement au niveau du Sénégal, mais dans toute la sous-région. Chaque fois qu'il y a des problèmes au sein des armées, ça m'intéressait parce que je me méfiais un peu des tas de problèmes qu'on entendait par-ci, par-là, des tentatives de ce que les gens entendent, les coups d'État. Et comme ça avait bousculé notre sous-région pendant un certain temps, j'avoue que chaque fois que j'entendais de tels propos, ça m'intéressait et j'écoutais. À l'époque, je lisais encore, j'arrivais à lire quelques articles. Mais en dehors de cela, c'est ma femme qui lisait pour moi certains articles, ce que je ne vois pas, hélas, ou mes enfants, où j'écoutais la radio le plus souvent. Voilà en quelque sorte à quoi j'ai passé mon temps. Jusque-là. Comment avez-vous embrassé la carrière militaire? Je n'avais pas l'intention de devenir militaire. Hein. Ce n'était pas mon intention au départ. Moi, je sais que quand j'ai fait l'école de Saint-Louis, l'école technique, le collège technique de Saint-Louis, mon intention n'était pas de devenir militaire. Et j'ai fait le collège technique de Saint-Louis, ce n'était pas également mon intention. Mais je trouve que mon père était chef d'atelier de la résidence de Ziguinchor et que moi-même, j'avais celui qui m'a formé, c'était un instituteur rigoureux. Il s'appelait Daniel Correa. Tout le monde avait peur de lui, moi y compris. Quand il a fait dire à mon père, ton fils est bon en mathématiques, tu l'envoies faire le collège technique. Mon père n'a pas hésité. Mon père a signé ce qu'il fallait. On m'envoie à Saint-Louis. J'arrive là-bas, j'ai voulu faire. Moi, je sais, mécanique. Je voulais la mécanique. Parce que j'avais un oncle qui, lui, était un fanat de mécanique. Et tous mes cousins, tous aimaient ça. Bref, voilà. Et c'est quand je suis sorti du collège technique, j'étais menuisier. Je n'y connaissais pas grand-chose. Et j'ai constaté une première chose, j'ai travaillé avec des gens plus âgés que moi, certes, et 10 fois plus calés que moi, de véritables ouvriers accomplis. Et des gens me payaient mieux qu'eux. Ça m'a choqué. C'est la première révolte de ma vie. Pourquoi? Parce que je sortais de l'école, je ne savais rien et je gagnais mieux que des pères de famille qui étaient là depuis et qui étaient de vrais professionnels. Ça m'a choqué. À l'époque, quand on appelait les gens pour être payés, on les nommait et l'on disait le montant. Ce qui était anormal, je l'avais appris ça à l'école. Pourquoi est-ce que on appelle le nom Monsieur Untel tant? Ça m'avait choqué. C'était une de mes raisons. Alors, quand au travail public, on disait mon salaire, j'avais constaté qu'autour de moi, les pères de famille, là, affichaient à mon égard une certaine hostilité. À ça, j'avais la chance d'un côté, le directeur de travaux publics était un Français, un jeune qui venait sortir de l'école et qui m'avait pris en estime. Il a demandé ce que j'aille souvent désormais travailler avec lui dans ses bureaux. Et là-bas, je faisais du dessin industriel, surtout, ce qui m'arrangeait. C'est ce que je savais faire mieux que la menuiserie. Bon. Et il m'a vraiment pris en estime. Et puis, j'ai tenté de lui faire comprendre qu'il fallait peut-être voir la possibilité d'augmenter les salaires des pères de famille. Il y en a qui avaient plus de 10 ans, mariés avec des enfants. Et moi, célibataire, j'ai gagné mieux qu'eux. J'ai trouvé ça anormal. Oui, mon général, merci beaucoup. Vous avez été aussi chef d'état général des armées sénégalaises du 1er juillet 1984 au 31 août 1988. Aujourd'hui, l'ancien président de la République du Sénégal, Abdou Diouf, vient de sortir ses mémoires. Il y a une bonne partie où il revient sur les événements de 1988 où vous êtes accusé d'avoir fomenté un coup d'état, notamment avec des chiffres à l'appui. Est-ce qu'on peut avoir votre réaction ou bien plutôt votre les faits, vous nous rappelez un peu plus ce qui s'est passé. 1988, ça va être pour moi. Mais il me semble avoir déjà répondu à ce type de question. Avec Babacar Touré, il me semble. Bon, mais cela ne tienne, nous allons essayer de nous remémorer. Pouvez-vous me dire ce qu'il a dit? Peut-être ça me ramènera un peu les choses à l'actualité. Je vais vous citer précisément le texte dont il est question dans le livre Mémoire. Oui. De nos échanges, c'est Diouf qui parle, de nos échanges, je compris que Tavares da Souza avait convoqué le colonel Gomis, chef des parachutistes, afin de lui demander son appui pour son projet. Gomis devait sauter sur le palais pour s'assurer de ma personne et de ma famille. Alors, plus loin, Madame Gomis avait craqué à l'idée de voir son mari entraîné dans un gangrenage qui pouvait lui coûter cher et déstabiliser également le Sénégal. Voilà textuellement ce qui a été dit dans le livre Mémoire. Quelle réponse? Pourquoi ne pas convoquer Gomis? Oui. Ils sont encore vivants. Qu'il convoque ce Gomis, et je ne sais pas qui. Et je serai présent. Pour qu'il répète. Mais Gomis. Non, Gomis. Non, Gomis ne peut pas avoir dit. Et sa femme, la seule chose. Moi, je suis sûr que le colonel Gomis ne veut pas dire que le journal l'a appelé pour lui dire non. Ça, je suis sûr. C'est un officier. Écoute. J'ai convoqué ces gosses-là. C'est l'époque. C'est effectivement l'époque où il y avait des tas de grabuches. Et ce Français que je vous dis avoir reçu m'avait laissé entendre qu'il y avait des, ils savent qu'il y a des gens qui se préparent à vouloir faire un coup d'État et que Ouad et qui surveille Ouad et que si on ne fait pas attention, le Sénégal va entrer dans des histoires, une sorte de rébellion. Je l'ai calmé. J'ai dit, Ouad est arrêté, c'est pas notre propos. Tout est une affaire d'État, de justice. Quand ça concernera l'armée, et ce n'est pas maintenant, parce que nous sommes là pour l'instant. Si nous sommes convoqués, ce sera pour le maintien de l'ordre. L'ordre troublé, nous maintenons. J'ai dit, si nous maintenons l'ordre, si ça continue à se gâter, en ce moment, nous rétablissons l'ordre. Ce n'est qu'en ce moment que l'armée réagit en toute responsabilité. J'ai dit, j'ai eu l'occasion de discuter de cette affaire avec le ministère de l'Intérieur de l'époque. J'ai été convoqué devant moi, on a demandé, posé des tas de questions aux Français. Il n'empêche, il n'y a rien eu. Je lui parle la suite. J'ai été convoqué bien longtemps après devant le ministre de l'Intérieur de l'époque. Colin n'était pas ministre de l'Intérieur, il était secrétaire général du gouvernement. Celui qui était à l'intérieur, c'était, il est à la retraite maintenant. Je parle tout jeune comme ça. Bon. Celui-là a tout fait parce qu'il recevait les instructions du secrétaire général du gouvernement, qui était Colin. En ce moment, l'armée était dans les casernes. J'avais interdit que l'armée bouge. Et j'avais prévenu en alerte Thiès, où il y avait Bampassi. Les parachutistes étaient à Djaldjoub. Les commandos dans leur caserne aussi. Et les parachutistes à Dakar. Et j'avais ordonné que personne ne bouge, sauf sous mes ordres, puisque nous étions passés à la phase de simple maintien de l'ordre, à la phase rétablissement de l'ordre. Donc, et celui qui dirigeait, c'était ce fameux ministre de l'Intérieur, André Sonko, je crois qu'il s'appelait, qui m'avait donné toutes les réquisitions. J'avais toutes les réquisitions qui me permettaient d'agir. J'ai mis les réquisitions dans le coffre. J'ai fermé. Pourquoi ? Mais parce que je ne sais pas. Je trouvais que on ne donne pas de réquisition comme ça. Une réquisition, il faut voir la situation, être certain de ce qui se fait, choisir son homme, rédiger, discuter avec le gars avant que tu donnes la réquisition. Mais il vient comme ça, il balance des tas de réquisitions. Ce qui veut dire qu'il était envoyé. Comme il dépendait de l'intérieur, je me suis dit, ce gars-là, c'est Colin qui l'envoie. Oui, mais l'opinion nous écoute. Ces réquisitions, non seulement ça sert à quoi, mais quelle a été la nature de ces réquisitions? J'avais le droit de rétablir l'ordre. J'avais le droit d'user de toutes les forces. J'avais le droit. Ça me protégeait en somme. Voilà. Vous n'avez pas usé de ce droit? Pourquoi? Mais parce que ce n'était pas nécessaire. C'est moi qui juge. On ne tire pas facilement comme ça sur des êtres humains. ce serait difficile. Et pour quelle raison d'ailleurs, le respect? Mais est-ce que qui doutait d'un coup d'état fomenté ont eu raison par rapport au contexte de l'époque? Est-ce que ce contexte était favorable à un renversement de pouvoir? Mais pas du tout. C'est ça qui est extraordinaire. Le contexte, c'était la guerre entre Diouf et Ouad. C'est tout. C'était entre Diouf et Ouad. On n'avait pas besoin vraiment de faire cette histoire pour ça. Mais Jean Collin, voilà l'homme, il est mort. Il aurait pu être président aujourd'hui. Il aurait dû être président. Mais le président de la République, c'était Abdou Diouf, c'était pas Jean Collin. Mais Abdou Diouf, tout le monde sait qu'Abdou Diouf n'a jamais, absent de Collin, Abdou Diouf ne commandait pas. Si des gens hésitent à le dire, il faut que tout le monde le sache. D'ailleurs, tous les Sénégalais le savaient. Tous les fonctionnaires du Sénégal savaient que le chef de l'État, c'était Collin. Abdou Diouf n'a jamais commandé. Oui, la preuve, comment Jean Collin a été démis de ses fonctions. Il y a eu l'histoire de la kermesse à Ziguinchor. On lui a posé la question, c'est vous qui commandez ou bien c'est Jean Collin qui commande? À Diouf. La réponse? Il a réagi, il a fait partie de Jean Collin. Oui. Alors, mon général, vous, quand vous êtes cité dans ce livre mémoire, vous renseignez quoi dans un contexte, celui de 88? Mais la question que je me pose, c'est pourquoi il m'a cité dans ce livre mémoire? Dans quel but? Parce que je ne vois vraiment pas ce qui m'opposait fondamentalement à Abdou Diouf. Abdou Diouf, chaque fois qu'il y a eu des problèmes, je me suis armé d'une falle, qui était mon ministre, qui se rendait compte. Et qui lui rendait compte. Les relations étaient bonnes alors avec Diouf? Mes relations, bon, acceptables. Medine Fall, oui, très bon avec Medine Fall. Avec Diouf? Avec Diouf, je rendais compte quand il me convoquait, bon, j'allais le voir. Mais on discutait pas aussi amicalement. Je faisais avec Medine Fall. Pourquoi? Mais parce que simplement, chef d'État ne lui pose pas de questions. D'abord, parce que je sentis à son égard quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Quand j'ai été nommé chef d'État-major général des armées, je prends le commandement et j'ai constaté que je n'avais pas de service de renseignement. J'ai dit, tiens. J'ai demandé ceux qui étaient là avant. Ils sont venus. Il y a un, père à son âme, c'était l'un des chefs du service de renseignement. Je l'ai convoqué, c'était un ancien para. Il me dit, oui, mais je ne dépends plus de vous. Hein. Moi, je le sens, je suis le général du gouvernement. Je lui dis, ah bon? J'ai dit, et les armées? Il dit, ah, moi, on m'a donné, j'ai reçu l'ordre de ne répondre corps secrétaire général du gouvernement qui rencontre au président. Je dis à le chef d'état-major, il me dit, ah non, ça je ne sais pas. Je vois Diouf, je demande l'audience, je le vois. Je dis, comment se fait-il que l'armée n'ait plus de service de renseignement? Il me dit, oh mais non, je l'ai laissé à mon secrétaire général du gouvernement. Je dis, mais monsieur le président, vous avez confié le service de renseignement à votre secrétaire général du gouvernement, oui. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'armée maintenant, tous les services de renseignement concernant l'armée, les renseignements militaires, ce sera lui. Il me dit oui. Je dis, mais vous savez que c'est pas normal. Et il dit, il m'a répondu, il me dit, oh moi c'est ce que je veux, c'est comme ça que je vois les choses, j'ai confiance comme ça. Là je lui dis, mais si je comprends bien, vous n'avez pas confiance en moi. Alors pourquoi m'a-t-on fait venir du lieu où je travaille en toute confiance pour prendre l'armée nationale, alors que le chef de l'État, chef suprême des armées, n'a pas confiance en moi. Comment se fait-il que vous, chef suprême des armées, vous acceptez de me confier les armées alors que vous n'avez pas confiance? Je lui poserai. Il me dit, écoutez, hein, c'est ma décision. Écoutez, hein, c'est ma décision. J'ai compris que, à qui j'avais affaire. J'ai compris, par ailleurs, que ce n'était pas lui, que derrière lui, il y avait Colin. Je dis bien, je vous dis tout de suite que je vais créer mon service de renseignement. Parce qu'une armée ne fonctionne pas sans service de renseignement. Il me dit, faites ce que vous voulez, ah, c'est pas mon problème. Je dis merci. Je lui dis, il dit que c'est pas son problème. Je salue, je m'en vais, et j'ai créé mon service d'information. C'est grâce à ça, à ce service de renseignement, que j'ai pu savoir ce que ce blanc qui venait de l'extérieur, qu'il disait venir de France, envoyé par l'armée française, ce qu'il voulait exactement. Eh bien, ce blanc, c'était personne d'autre. Il faut que les gens le sachent, c'est Colin. C'est un agent de Colin. La preuve, une des preuves que je donne ici, quand il a été tué, ce blanc, Colin me convoque parce qu'il n'apprenait rien de moi. J'ai pu le bloquer en tout. Tous les serves, chaque fois qu'un de ces agents rentrait dans le camp, ces agents-là, ces anciens militaires, me rendaient compte. Oui. Eh bien, il a tout fait. Je me suis posé la question. Mais qu'avais-je donc à voir avec ce blanc-là? Qu'avait-il contre moi, Colin? Il m'avait mis en mal avec deux officiers supérieurs qui, quand j'ai pris l'armée, avaient divisé l'armée nationale en clans. Il y avait deux clans. Et j'ai eu l'occasion de le dire dans un des discours que j'ai eu à faire. Face aux officiers réunis à Diadio, je leur dis ce que je constatais, et que ces clans-là, je vais les détruire. Qu'il n'y avait qu'un seul chef, c'est moi. Tous ceux qui ne sont pas sûrs, qui se mettent de côté, ils sont tous restés. Je les ai tous, dans les rangs, à tous, ici. Sachez que vous n'avez qu'un ordre à recevoir, que des ordres venant de moi. Les clans de vos copains, ceux qui viennent sous prétexte qu'ils sont sortis de je ne sais quelle école ou qu'ils sont sortis de je ne sais quelle région, il n'y en a plus. Donc, mon général, vous constatez avec nous que ces rumeurs, ces accusations sont fréquentes. Je vous donne quelques illustrations. La crise de 62, de 1966 avec l'aide de camp de Mamadou Dia, en 1960 avec la crise estudiantine, et 88, principal accusé. On parlait de coup d'État. Il n'a jamais été question de coup d'État. Jamais. Il n'y a jamais, mais alors jamais, question de coup d'État au Sénégal. Et je le de dire que je serai un militaire. Si j'ai le moindre, il n'y aura pas de coup d'État. Et je leur ai dit, j'ai dit fréquemment à des camarades, même des camarades de sous-région, que je n'admets pas qu'un militaire ait en tête un coup d'État. Pourquoi? Parce que ça fait reculer le pays à 30 ans. Voilà ce que j'ai toujours dit. Tout le monde sait, dans mon entourage, tout le monde sait que j'ai toujours été contre les coups d'État, même à la NAD. Il m'est arrivé de des militaires, chefs d'État, dire certaines vérités parce que je n'admets pas qu'on fasse un coup d'État, qu'on dise chef d'État, et après qu'on fasse Parce qu'ensuite, on se dit militaire. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne fait pas. On ne ment pas. Oui, mon général, est-ce que vous pouvez me dire il n'y a jamais de coup d'état au Sénégal. Qu'est-ce qui différencie ce pays-là des autres pays de la sous-région? Les chefs. L'état, moi, le chef d'état-major que j'étais, j'avais formé mes hommes quand j'étais le commandant. Bon, ce que j'ai fait, peut-être que allez le faire. Mais dès que je suis arrivé, j'y suis jamais le coup d'état. Et je le redis, tous les officiers, rien. Jamais. Relative au relatif de cette création de mouvement de soutien pour réélire Abdou Diouf à la tête duquel vous avez demandé à votre femme de porter. Mais c'est Abdou Diouf lui-même. Abdou Diouf, oui. Ma femme peut répondre. Mm-hmm. Elle est là. Chérie, tu peux. Je pense qu'après ce qu'on a écrit, vous allez voir. Je les remercie. J'ai remercié d'abord le président Abdou Diouf de ce qu'il a dit sur moi. Si j'ai créé le comité de soutien pour un coup d'État, que Dieu nous juge. Le général n'a été en... Pour un coup d'État, mais pour la réélection du président. Pour moi, c'était pour la réélection. Mais dans l'âge, ce que nous avons vu, c'était le général qui était en préparatif d'un coup d'État. C'est pourquoi j'ai formé le comité. C'est pourquoi je les remercie. De toutes les façons, le général n'a été pour rien. J'enterrais les noms, mais ce sont des politiciens qui sont venus me trouver au palais. On était au petit palais pour me demander de créer ce soutien, ce comité. Oui. Le journal n'a été pour rien là-dedans. Et je peux dire même, on était à Ziguinchor, à une kermesse, où l'affaire a commencé, où on m'a demandé de créer ce comité de soutien. Je ne cite personne, mais je dirais seulement ça à une kermesse à Ziguinchor. Et pourquoi vous ne les citez pas? Non, non. Ils vont se reconnaître. Une question peut-être. Oui, une autre question, Reblatian. Oui, toujours pour rester dans les mémoires du président Diouf, le petit français, vous faites allusion tout à l'heure, dans les mémoires de Diouf, écrit clairement, à plusieurs reprises, vous êtes venu lui confier que vous avez donné à ce Français un véhicule pour aller rencontrer Abdoulaye Wade à plusieurs reprises et que vous lui avez beaucoup servi. J'ai servi ce petit Français. Vous avez servi Abdou Diouf en utilisant ce Français qui collectait des informations auprès de Abdoulaye Wade. Mais c'est exact. Mais c'est exact, ce Français est venu à la maison. Il a raconté ce soir, il était envoyé. Je l'ai détecté. J'ai senti tout de suite que ce Français est encore quelqu'un de Colin. Dans mon esprit, c'était ça. Abdou Diouf ne commandait pas le Sénégal. Que tous les Sénégalais honnêtes doivent le reconnaître. Tous les fonctionnaires de l'époque doivent savoir qu'Abdou Diouf ne commandait pas le Sénégal. Ça me dit tout à l'heure que vous n'avez pas une très grande relation entre vous et Diouf. Pourtant, au début de cette partie vous concernant, il dit qu'il vous a tiré d'affaire. Qu'il vous a tiré d'affaire avant de vous nommer général, avant de vous nommer Semga. Il m'a tiré de quelle affaire? C'est la question que je vous pose. Parce qu'il ne le précise pas dans le livre. Parce que celui qui mérite vraiment qu'on lui parle de problèmes d'argent, c'est lui, Abdou Diouf. Pourquoi? Oui, pourquoi, je veux le dire. Vous savez que quand nous envoyons des gens à l'extérieur, ils sont payés par les Nations Unies. Enfin, les Nations Unies payent et c'est l'État du Sénégal qui reçoit les fonds présentés. On montre au chef d'état-major un papier disant que vos soldats qui sont arrivés dans l'ordre, dans le cadre du maintien de l'ordre aux Nations Unies, ont reçu quelle somme que nous envoyons au ministre, que nous envoyons au secrétaire général du gouvernement. Donc, Abdé Diouf recevait tous les fonds concernant les soldats. Les soldats savaient qu'ils étaient payés, mais ne recevaient rien. Mais tu vois la place des soldats. Pose des questions. Voilà, je pose la question à Abdé Diouf. Alors, justement, mon général, revenons sur les questions, les rapports entre l'armée et le pouvoir politique. Alors, souvent, c'est des rapports heurtés, alors qu'on sait que c'est le civil qui commande le militaire. Oui. Quelle lecture avez-vous de cette situation? Le civil commande le militaire. Le militaire l'accepte. Et le militaire obéit au civil. Mais cette subordination, jusqu'où peut-elle aller? Tant qu'il y a de l'ordre, la vérité dans les rapports entre civils et militaires, il n'y a pas de danger. C'est lorsque le civil, usant de son droit légal, se dit que l'utilise l'armée dans ses intentions, pour ses intentions personnelles. N'oubliez pas que l'armée est également le garant de la nation. C'est tout qu'elle a. À quel est le plus important? Est-ce que l'obéissance aux civils est plus important que la garantie du militaire à l'égard de la nation? Tout est là. Il est toujours en restant dans ces rapports entre le civil, le pouvoir et l'armée. On a constaté que de plus en plus aussi, l'État, en tout cas, que ce soit le régime sous Diouf ou sous Ouad, ont de plus en plus utilisé des généraux. Je peux parler de Lamine Cissé, du général Nian, mais jusque-là, on ne voit pas des généraux vouloir briguer les suffrages des Sénégalais. Il se fait qu'un général ou bien quelqu'un qui est dans l'armée qui a essayé, c'est lors des élections locales de 2002 en mai. Qu'est-ce qui explique cette situation-là? Pourquoi nous ne cherchons pas à prendre le pouvoir? À le conquérir. À conquérir par le pouvoir. Voix, puisque on vous permet de voter maintenant. Mais attention, il est dit que celui, on nous permet de voter, certes, mais on nous donne cette possibilité. Celui qui veut se présenter à un poste politique, il ne doit plus être en activité. Nous obéissons. Si je ne veux plus, quand je n'ai plus été militaire, je me suis présenté à un poste politique. J'ai été nommé député. Le parti, le PLS, Rénovation, oui. Était supposé modéré, mais pas fondamentalement dans des partis d'opposition. Non, je l'ai choisi exprès. Pourquoi? Mais parce que je ne voulais pas être avec Diouf. Je ne voulais pas être avec Ouad, que j'avais rencontré plusieurs fois. Ouad ne lui dira pas. Ouad m'a reçu plusieurs fois chez lui. C'est lui qui me convoquait. Et il menaçait de même de venir lui-même à la maison. C'est pour ne pas avoir ça. Voir quand même un ancien chef d'État qui vient me voir. Je ne peux pas accepter ça. Que j'acceptais de le rejoindre chez lui, au point E. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Je ne cachais pas quand j'allais voir Wad. Non? Mais quel était vos rapports entre Wad et Diouf? Parce qu'on a comme l'impression que dans le livre d'Abou Diouf, c'est ça aussi qui ressort, qu'il y avait des rapports qui nous troublent entre Abdoulaye Wad et vous. Oui. Mais ça, c'est Wad. Il est fort. Wad savait ce qu'il faisait. Je vous dis un exemple. Une fois, Wad me convoque chez lui. Il m'invite à aller assister à un meeting qu'il devait faire aux allées du centenaire. J'ai refusé. Je dis que non, moi je ne suis pas politique. Je n'ai pas commencé, je ne suis adhéré à aucun parti. Par conséquent, je ne vais à aucun parti. Je n'assiste à la réunion d'aucun parti. Il y a un qui était présent, Diaz. Il parle à Diaz. Diaz ne fait pas. Jean-Paul Diaz qui lui dit, Jean-Paul Diaz lui dit, mais monsieur le président, il vous dit la vérité. Avec tout le travail qu'il a fait, laissez-le se reposer, qu'il prenne le temps de voir la situation et de prendre sa décision. Pourquoi voulez-vous coûte qu'il vous accompagne à un meeting? Bon, il a tourné le dos. Il a regardé le travail de Diaz, et puis ensuite, l'affaire s'est terminée. Bon, lui, il ne s'est pas arrêté là. Il est teigneux. Excusez, mais c'est le cas de le dire. Il a insisté. Il m'a donné rendez-vous encore au bureau cette fois. Je suis allé au bureau, il avait tout préparé. Quand je suis arrivé, il y a une dame qui était la femme d'un ministre aussi, qui lui servait de secrétaire. Celle-là m'a retenu, elle n'avait rien à me dire. Et lui, il devait être occupé dans son bureau. Il me dit, c'est le président, mais vous ne bougez pas. Il tient absolument à vous rencontrer. Elle s'est mise à montrer des tas de gentillesse, à me parler gentiment. Je savais qu'elle avait du travail. J'ai dit, vous savez, je préfère aller me mettre là-bas pour vous permettre de faire votre travail. Il me dit, non, non, non. Vous restez là où vous êtes, là, face à moi, et nous discutons. Je dis, c'est vous qui me convoquez ou c'est le président? Il dit, non, c'est bien sûr le président. Je dis, pourquoi voulez-vous que je sois devant vous pour discuter? Ah, oui. Le secrétaire, là, il faut faire attention. Une autre question, monsieur le général. Ah oui. L'armée sénégalaise est réputée une armée républicaine, mais il y a quand même ces trois événements-là, 62, 88, l'Odiola, même parce que l'exploitation technique, administrative, était confiée à l'armée. Comment est-ce que vous interprétez ces trois tâches noires-là? Bon, je vais vous dire. D'abord, choisissez, allons dans l'ordre. Vous avez dit d'abord 62, c'était le coup Mamadou Dia Senghor. Hein? Oui, c'est ça. Oui. Ça, je vous dis, l'armée n'est pour rien. Ce qui est arrivé entre Senghor et Mamadou Dia ne concernait l'armée qu'en exécution. L'armée dépendait totalement du pouvoir politique. Et c'est donc que sur ordre directement des chefs de l'époque, il y avait le feu Pereira, il y avait Rafael Diallo et d'autres. Bon. Mais l'armée en elle-même ne s'est pas occupée de cette affaire. Elle obéissait. Je commandais une compagnie de parachutistes. On nous demandait de rejoindre un lieu. Nous joignons le lieu. En entendant le... Heureusement, il n'y a jamais eu, on n'a jamais reçu d'ordre visant à transférer le pouvoir ou autre. Non, jamais. Simplement, il est arrivé un jour qu'on nous demande de rejoindre la radio. J'arrive à la radio. Par ailleurs, on avait demandé aux gendarmes d'occuper la radio et de veiller à ce que seuls les responsables de Mamadidia aient la possibilité d'utiliser des antennes de la radio. Par là, je reçois l'ordre, avec ma compagnie, d'occuper l'Assemblée nationale, c'est ça, et puis la radio. Bon. J'arrive à l'Assemblée nationale. Ce que je trouve là-bas, ce sont des parents, les deux. Il y avait le feu Conte Badara et il y avait Sambal Mami, qui lui dépendait de moi. Ils sont tous de la même région, ils sont tous des parents. Je leur ai dit, écoutez, c'est entre vous. Entendez-vous? Je dis à Conte, tu es là, Samba sonne à côté de vous, vous vous entendez. Pas d'histoire. Bon, il n'y a jamais eu de problème finalement. Et puis ensuite, à la radio, je suis allé à la radio, j'ai trouvé un gendarme de Linger. Je connaissais également un officier. D'abord, j'ai trouvé, celui qu'on avait, que j'ai trouvé, était un sous-officier. Moi, j'étais lieutenant. Je suis arrivé, je l'ai mis au garde-vous. Je lui ai dit, je suis envoyé pour vous relever. Je dis, vous rejoignez le camp, partez tout de suite. Rejoindre le camp. Alors, mon général, nous revenons sur le livre Mémoire avec cet extrait qui vous concerne. Cher Diouf qui parle, quand nous nous retrouvâmes tous les deux seuls, je lui dis, mon général, j'ai vu toutes les lettres que vous avez envoyées au ministre des Forces armées. J'admire votre loyauté. Un fait me survint en mémoire pendant notre conversation au début des émeutes, j'avais convoqué tous les chefs militaires pour leur signifier que, quelles que soient les circonstances, je leur interdisais formellement de tirer sur les foules. Tous les officiers présents avaient acquiescé. Tavares da Souza avait été le seul à élever la voix pour me dire que la situation justifiée qu'on tira sur elle. Il aurait fallu que je lui rappelle de façon très ferme ce que je venais de dire. Quelle réaction? Il ne faut pas être insolent. Au contraire, c'est peut-être ce qu'il aurait voulu avec son colin, son maître à penser. C'est moi qui ai dit à mes hommes que personne, aucun cas, aucun soldat n'a le droit, dans le cadre du maintien de l'ordre, de tirer sur les civils. C'est des gosses, si vous lancez des cailloux, vous avez votre casque lourd. Tendez votre casque lourd. Abdou Diouf, qu'en est-il d'un casque lourd meilleur? Je vous pose la question. Abdou Diouf ne connaît pas le casque lourd. Il n'a jamais fait l'armée. Il ignore tout des armées. Comment? Mais il est plus dangereux que j'en pensais. Vous ressentez quoi? Du dégoût d'avoir été commandé par un homme comme celui-là. Et moi, je suis malheureux que j'ai pu plus être sous les ordres. Oh non, je ne le souhaite à personne de tomber sous les ordres d'un homme comme ça encore. Que pensez-vous des hommes politiques? Vous les avez côtoyés. Que pensez-vous d'eux? Ça dépend de la position qu'ils ont. Pour moi, un homme politique à une certaine catégorie, une certaine classe, peut être un grand homme. Oui. Je respecte un homme politique selon son comportement. Ce que je déteste chez un homme politique, c'est le mensonge. Vous savez, quand j'ai voulu faire la politique, à Zéguinchor, quand on faisait des meetings, quand je mettais à dire la vérité à la foule qui m'écoutait, j'ai des camarades qui disaient, mais tu ne seras jamais un politicien. On ne dit jamais la vérité au peuple. Je dis, mais parce qu'on n'a jamais dit la vérité, commençons par leur dire la vérité. Et on verra bien leur comportement. Si vous dites la vérité, qu'ils n'obéissent pas et qu'ils constatent que finalement, si en vous obéissant, c'est vous qui allez avoir raison, eh bien, prendrez l'habitude. Pourquoi veut-on coûte que coûte faire croire aux militants que c'est le mensonge qui prévaut? Pourquoi? Pourquoi, mon général? Une autre question, c'est sur les scandales à répétition dans la police, dans l'armée, la gendarmerie. Comment expliquez-vous ces dérives? Avec le recul, bien sûr. Mais les dérives, les scandales dans l'armée. Les scandales dans l'armée, on en parle là. Mais dans la police, quel scandale avez-vous vu? Hein? La drogue. Le scandale de la drogue. Le scandale de la drogue. Mmh. Oui, ces derniers temps. Oui, bien sûr, ces derniers temps. La gendarmerie avec le brûlot du lieutenant Dao, Abdelaziz Dao. Ça, j'avoue que, comme j'avais déjà quitté l'armée, je ne suivais plus. Mais quand je l'ai appris, ça ne m'a pas étonné. Vous savez, il est arrivé un moment, la gendarmerie dépendait du civil. Bon. Également, une bonne partie des gens de l'armée, la police. Alors, ce n'était plus vraiment l'armée nationale, l'armée même qui tenait les choses en main. C'était des civils. Et le chef d'état-major de la gendarmerie, que je connais bien, celui-là, il faut savoir d'où il sort. Comment s'est-il trouvé à la tête de la gendarmerie? Comment s'est-il trouvé à la tête de la gendarmerie? Il y a une raison qui l'y a mené. Voyez toujours quel est celui qui nomme ces gens-là derrière. Toujours. Colin n'était plus. Hein? Oui. Il n'était plus. Mm-hmm. Qui avait remplacé Colin? Il y avait quelqu'un. Oui, certainement. Bon. Mais bon, la Casamance, votre région naturelle, la rébellion, voilà plus de 30 ans que dure cette rébellion. Pourquoi il n'y a pas encore de solution? Mais ça, c'est le politique qui sait. Parce que, d'abord, à commencer par les premiers chefs d'État. J'ai toujours été contre le fait que l'on donne de l'argent et des armes, de quoi acheter des armes à la rébellion. Qu'on donne à la rébellion de quoi se nourrir. Les chalands partaient d'ici de Dakar, bourrés de produits, de rations militaires. Et qui donnait l'argent, cet argent dont vous faites allusion, qui donnait? Ça, c'est une question qu'il faudrait poser. C'est les chefs d'État qui décidaient. Je parie que d'abord Senghor le faisait, il l'a fait. Abdi Diouf, évidemment, le faisait, mais avec son ami Jean Collin. Abdi Diouf ne décidait rien. Moi, général, pourquoi est-on venu là qu'on élise au président de la République au suffrage universel et qu'il donne pratiquement le pouvoir à quelqu'un d'autre? S'il ne sait rien, s'il est pauvre, malheureux, s'il a peur même du moindre coup de vent à côté de lui, il est pauvre. Il ne vous a jamais donné de l'argent? Qui? Abdi Diouf. Jamais. Abdi Diouf, sur ce plan-là, il a appris quelque chose de bien avec Senghor. Il ne donne jamais de l'argent. Même quand il t'envoie en mission, si tu n'insistes pas, il ne te donne rien. Parce que lui, il pense que tu dois prendre ton argent pour faire la mission. Lui se contente de parler. Si tu ne protestes pas, tu ne peux pas remplir la mission. Ça m'est arrivé. Quand il m'a envoyé en mission, j'étais à la main. Quand il fallait demander de prendre les billets et autres, il fallait que ce soit l'armée. Or, je ne dépendais pas de l'armée. C'est donc l'ANAD qui devait payer. Et l'ANAD, c'était l'État qui devait payer sur place. Mais c'était difficile avec lui. Abdi Diouf aime l'argent. Non, il est même malade quand il s'agit de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette table-là où vous recevez là-bas un salaire plus aussi, un autre salaire que vous avez cumulativement? Mais il est arrivé que l'on me convoque précisément. C'est Nikunche qui était chef de l'État. C'est Nikunche me téléphone un jour. J'étais en Côte d'Ivoire. C'est Nikunche me dit, qu'est-ce que je fais encore? Est-ce que je suis au courant de ce qui se passe? Il y avait en ce moment cette rébellion-là entre les autorités ivoiriennes et la bande Sankara et les choses. Blaise Campor. Tu n'es pas au courant? Mais calme-moi, qu'est-ce que vous voulez que j'aille là-bas? Pourquoi? Mais tu devrais y être pour savoir ce qui se passe et que tu suives l'événement. Je dis ça dans mes prérogatives, il n'y a pas ça. Mais maintenant, si toi, tu m'ordonnes en tant que chef d'État, j'y peux y aller. Je lui mets par écrit. Il ordonne. Je prends mes esprits. Je m'en vais pour rencontrer donc les autorités ivoiriennes et savoir ce qui se passe pour suivre la situation sur place. Comme ça, je pourrais décider s'il faut intervenir, à quel moment intervenir, et sous les ordres de qui. Voilà. Voilà, mon général, le groupe Sud-Com vous remercie, vous et votre épouse et toute la famille, au nom du groupe Sud-Com, nous vous remercions et vous souhaitons un bon repos. Merci beaucoup. Merci. Sud-FM